States of America, and to the Republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Fuck off, moi je veux être! Tu veux être libre comme l'air, hey! Libre comme l'air! Tu veux être libre comme l'air, hey! De l'Ariane à Saint-Lévis, à ton site, à ton site, à Saint-Lévis, ton site, à ton site, à Saint-Lévis, ton site, fucking do! Et vive le rock libre! Kissing, and then I heard this bloke come up behind me and say, "Oi, you! That's my bird!" Down the lost disco, high off the skull. She's giving it a rap, God, she was a fur. She came up to me and said, "Do you wanna dance?" Well, I thought, this is it, I'm in it with a chance. Then this bloody crazy Jesus said, "Here, mate, that's my girl." But I didn't want to trouble, so I ran up bloody hell. Run like hell, run like hell, run like hell, run like hell. Alone her mind, right off the edge. Well, I don't know how I got it, but I ended up in bed. When I woke up in the morning, I was alone no more. But as I was getting dressed, so I came through the door. Then this bloody baby Jesus said, "Here, mate, that's my girl." But I didn't want to trouble, so I ran like bloody hell. Run like hell, run like hell, run like hell, run like hell. Yes, sir, Peter and the Test Tube Baby avec Run Like Hell. Peut-être, je dis bien peut-être, c'est une rumeur. Ben, peut-être qu'à l'Halloween, on va aller voir à Montréal. Peut-être. Alors, j'espère que vous allez bien tout le monde, car nous en sommes à la 529e émission de Sky Punker en ce vendredi 20 juin 2014. Et on commence aujourd'hui avec Impact et la pièce Jamais Seul. Pour ceux qui ne connaissent pas Impact, c'est un vieux groupe antifasciste qui donnait dans la Hoye, qui venait bien sûr de Montréal. Donc la pièce Jamais Seul, extrait de leur split qu'ils ont fait avec The Oppress. Ensuite, nous aurons Two Stone to Skank avec la chanson La Brute. Je vous laisse découvrir c'est quoi La Brute, pièce très hilarante. Et après cela, nous aurons la version originale de la pièce Progéniture d'ordure, produite à la fin des années 90 par les bons à rien. Je dis la fin, mais dans le fond, c'était au milieu des années 90. À la fin des années 90, c'était la reprise faite par les ordures ioniques. Que suis-je bête? Allez, go! Impact et jamais seul. Skypunker. Life! un jour tu vas crever. Eh ouais, laissant derrière toi tes idées. Le stream assis, tu fais pas rien. Et tant mieux, ça en fera un de moins. Bon à rien, avec la pièce Progéniture d'ordure, extrait de Advienne que pourri. Et deux pièces avant ça, on avait eu Impact avec Jamais Seul, extrait de leur split qu'ils ont fait il y a un bon bout de temps avec The Oppress, qui est en double 7 pouces, soit dit en passant, un 7 pouces sur Impact et l'autre 7 pouces sur The Oppress. Et puis après ça, bien, on avait eu Two Stone Two Skank avec La Brute. J'espère que vous avez eu peur de la grosse brute. Et là, on va continuer avec les ordures ioniques et la pièce Sommes-nous vaincus. Bien sûr, je vais faire jouer l'introduction qui s'appelle L'apéritif. Ça se retrouvait sur l'album Je m'en viens sous. Et les ordures ioniques, ils étaient en spectacle hier à Québec avec Tagada Jones ainsi que Parabellum et Scab Coma. Et apparemment, comme l'a dit mon bon chum de gars et animateur de C'est Fou, Adrien des Bonnets Rouges, c'était super débile et que... Il a pas vraiment dit ça de même, il a tout dit ça. Ah, c'était super chouette, ouais, je me gratte la barbe. Donc, il vous en reparlera souvent plus en profondeur, lui, lundi, dans son émission, car maintenant, les Bonnets Rouges seront rendus le lundi. Question de c'est le temps à monsieur de pouvoir jouer au soccer. Mais c'est vrai qu'en français de France, il faudrait dire football. Même en breton, c'est football. Et non, soccer. Ouais. Bon, alors, on arrête ça, sa culture, là, puis on s'en va en musique avec les ordures ioniques et Sommes-nous vaincus, Guérilla Poubelle et Culture Poubelle, qui seront bientôt en spectacle au cours du mois de juillet au Québec. Ainsi qu'un autre groupe qui débute bientôt une tournée au Québec, René Binamé, avec La Moustache. Ah tiens, pièce que je vais dédier à Jennifer, une manifestante qui s'est faite embarquée par la police, alors qu'à Montréal, il y avait une manifestation organisée par la police à la mairie de Montréal. Ils ont brûlé certaines affaires. Ils ont aussi, avec les pompiers, arrosé l'hôtel de ville. Mais eux, ils ont comme le droit, mais un manifestant punk qui manifeste dans une manifestation bien normale se fait embarquer par la police en même temps. Ouh, assez louche. Ouais, hein? Deux poids, deux mesures. Hein? Ça se pourrait-tu que des fois, ils puissent avoir plus de surveillance dans les manifestations de la police. Question de les encadrer pour pas qu'ils fassent trop de conneries, eux autres ici. Hein? Bon. Ben, la chanson La moustache de René Binamé, ça parle de ça. Alors, allons-y sans plus tarder en musique avec les ordures ioniques. Je suis le maillon faible votre sous-culture plastique. Je ne connais rien aux règles, je me fous de votre esthétique. Tu me parles la nouvelle star des cons, j'ai jamais entendu son nom. Consommation de masse, c'est la lutte des pétasses. On recherche l'authentique, le vrai, pas le merdique. Sauf et ça, on m'a dit que c'est mieux quand ils sont forts et caoutchoutés. Si c'est vous la culture, nous sommes la guérilla. Si c'est vous notre futur, nous sommes la guérilla. Culture caniveau, la crétinisation, l'apathie des moutons. Tu parles la nouvelle star des cons, j'ai déjà oublié son nom. Un regard parano, c'est ça vos idéaux. C'est la loi du marché, je m'ennuie devant ma télé. Sauf et ça, on m'a dit que c'est mieux quand ils sont faux et caoutchoutés. Si c'est vous la culture, nous sommes la guérilla. Si c'est vous notre futur, nous sommes la guérilla. Si c'est vous la musique, nous sommes la guérilla. Si c'est vous l'artistique, nous sommes la guérilla. vous écoutez toujours Skypunka avec le camarade B, comme tous les vendredis. Et au cours du dernier bloc, on avait terminé ça avec René Binamé et la pièce La Moustache. Juste avant, on avait eu les ordures ioniques avec l'introduction de l'album Je m'en viens sous, c'est-à-dire l'apéritif, suivi de Sommes-nous vaincus, et ensuite, on avait eu la pièce Culture poubelle de Guria Poubelle. Maintenant, nous allons passer en oeil avec tout d'abord le groupe brésilien Reject SA et la pièce Santa Ignorancia. Extrait de leur très bon album portant le nom de Falar Dersus Ouvrir. Pièce que j'avais dédiée aux 5 membres de ce groupe qui m'ont fait parvenir leur album très loin du Brésil. C'est-à-dire Rafa, Carlos, Clayton, Ratino, ouais, ainsi que Johnny. Ouais, ça, c'est pour vous autres. Alors je vous rappelle. Qu'on va entendre Reject SA avec Santa Ignorancia, suivi d'une nouveauté d'Action Sédition, la pièce Classe contre Classe, ainsi que Spanner avec la chanson Impossible. Ces deux pièces-là se retrouvent sur un tout nouveau 7 pouces disponible sur Rebel Time Record. Je confonds des fois Insurgent et Rebel Time. Mais bref, ça vient tout juste de sortir sur un très bon 7 pouces avec Action Sédition venant de Montréal et Spanner venant d'Angleterre. Vous allez aimer ça. Et nous terminerons ce prochain bloc avec une autre formation montréalaise, le groupe Mayday avec Rusty Shield, pièce qui clôt leur album Comme une bombe, sortie il y a très peu de temps sur Sabotage. Alors, allons-y immédiatement avec Reject SA et la pièce Santa Ignorancia. Je porte la sable et l'air. Plusieurs familles se retrouvent à la rue. On se souhaite noir ou gueuler. J'ai choisi ton mal pour ma dignité. Ma nation l'a humilié. L'heure de la vengeance enfin sonnait. Les terres ne font pas crédit. C'est le retour au sous-emploi. La précarité les enrichit. Les syndicats ne bougent pas vraiment. Contraignés par la bureaucratie. Le pouvoir du patron s'étend. Plus on traque, plus c'est pourri. We'll be right back. never fall. So hold your head up high, fight to win. Fight to win. Demand the impossible with a new world in our hearts. Praise God it never gives in. Avec Rust et Shield, extrait de leur plus récent album Comme une bombe. Trois pièces avant cela, on avait eu tout d'abord du Brésil Reject SA avec Santa Ignorancia. Ça a été suivi de Action Sédition avec Klaus contre Klaus. Et après ça, on avait eu Spanner avec la chanson Impossible. Et les deux pièces précédentes sont extraites d'un 7 pouces portant le nom de History Lesson qui vient tout juste de sortir sur Rebel Time Record. Ouais, je l'ai bien dit. Merveilleux. Super. Bon, on continue. Tout d'abord avec Buddha Bulldozer et la chanson au thème de leur tout nouvel album, On the Docks, pour la gang de Oi de Québec, suivi de Prowlers avec Suburban Trash, extrait du 7 pouces Atos. Et après ça, Nous aurons la formation Scarmento avec la chanson Por Vida, extrait de l'album Punk Rock Don Ramiro. Yeah, c'est bien dit ça. Hein? Je le répéterai pas une deuxième fois. Allez, let's go! Buddha Bulldozer et la pièce On the Docks. On the Docks de Québec, bien sûr. Alors, chers auditeurs, vous écoutez toujours Skypunka en ce 20 juin 2014, date à laquelle j'en suis rendu à mon 529e show. Mais, c'est vrai, c'est émission sous féminin. Ah, erreur, erreur. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a eu avant les publicités qui viennent de passer? C'est sûr qu'en rediffusion... De vous demander c'est quoi les publicités, parce que je les fais jamais rediffuser, les publicités. C'est normal quand même, je monte en streaming, c'est sûr que... Ouais. Bon. Ouais. Alors, qu'allais-je dire avec mes... Ouais! À la... au mur. Je m'en rappelle plus, j'ai un blocage. Ah non, c'est une joke. Alors, donc, son recul de 3 pièces avant les pubs. On a eu Wooda Bulldozer avec Underdogs, extrait de l'album portant le même nom, paru cette année. Ça a été suivi de la formation montréalaise The Prowlers avec Suburban Trash, que vous pouvez retrouver sur le B-side. Wow, ça fait vraiment français, le B-side de leur EP Hate Us. Et puis, après ça, eh bien, on a eu Scarmento avec la chanson Por Vida, extrait de l'album punk rock d'Onoramiro, que vous pouvez retrouver sur l'étiquette Rusty Knife Record. C'est en France, ça, ce label-là. Ils ont pas mal de groupes de plusieurs pays d'Europe et même des États-Unis, figurez-vous donc. Leur manque des bands du Canada et du Québec. Ouais. Fabien, tu sais quoi faire maintenant? Puis là, on s'en va en musique avec Big D and the Kid Table et la pièce Noise Complain. Et pourquoi Big D? Ben, parce que Big D, ils seront... dans un mois, ils seront en spectacle au Québec, dans un festival qui va avoir lieu à Drummondville. Et oui, un festival punk, ska punk, skatepunk et hardcore à Drummondville. Yes! Avec, entre autres, 10 Foot Pole, Strike Anywhere, Big Din de Kid Table, bien sûr, et plein d'autres bonnes choses, comme ce que vous entendez en background, c'est-à-dire Sprinter. Et ce qui m'amène à vous dire qu'après Big Din de Kid Table, vous aurez de Planet Smashers avec Never Die Hold, Up City Stompers avec Johnny Day Rape, extrait de l'album Dirty Jersey. Et puis après ça, nous allons conclure ce prochain bloc avec Sprinter et leur pièce ska punk Yeah Yeah, qui est extrait de leur mini-album portant le nom de Melee. Alors, sur ce, allons-y en musique. Puis après ça, je vous parlerai d'un autre festival qui va avoir lieu au cours du mois d'août, encore une fois sur la rive sud de Trois-Rivières, qui va être popé, puis ensemble, c'est quand même dans le coin de Drummond, ça aussi. Coudonc, on dirait que Drummond se réveille alors que Trois-Rivières s'endort. Hein? Ouais! Big D, let's go, Noise Complain. C'est des filles stoppées. Noise Complain. Yeah, the soup de vin a spiné. Noise Complain. Well, life is a reset. Noise Complain. We're all spaz cats, we can. Noise Complain. Well, it's just your shot, can't be stopped. 20 bucks says there's a noise complaint. Tearing down the curtains. Noise Complain. We're just blowing up the speakers. Noise Complain. You know the neighbors on the floorboard. Noise Complain. Yeah, this party ain't no secret. Noise Complain. Well, it's just your shot, can't be stopped. Yeah, alright, yeah, there's a noise complaint. Look, manifestation of the truly uncool. Crazy man, police at the front door. Noise complaint. Did all them girls hit the closet? Noise complaint. You know I'm underneath the bed now. Noise complaint. It's just a chicks for naughty smooching. Noise complaint. Well, it's a sure shot, can't be stopped. We're sorry, officer, about what the noise complaint. Song, it goes, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Shy girls winking, noise complaint. And all the good girls kissing, noise complaint. You see those rude girls spitting, noise complaint. And all them double dollies giggling, noise complaint. Well, it's a sure shot, can't be stopped. I like your neighbor, but your neighbor don't like me. Of the old glory days, life seems like a series of delays. Need to be somewhere, but I've got nowhere to be. Seem unknown to my friends and family. Why do I think that I can't be great? Life's passing me by, I keep showing up late. I told myself that I never die old, but I'm just not dying. All the good ones, they always die young. Till now I've been lying. That's perfect, but nothing's going on under the surface. Everything is set to remote control. Never going fast, always moving too slow. I'm my own victim in this feedback circuit. This trajectory won't intercept. A path of gold, a righteous state. Gotta take it back before it's too late. I told myself that I never die old, but I'm just not dying. All the good ones, they always die young. I'm just not dying. The sound of some trying. All the good ones, they always die young. But I'm only surviving. It's a power won't be coming for a while. I don't of it, so I keep a fake smile. Being seen hasn't told demons come around, and when they do, I'm stuck glued to the ground. Why sit around so consumed about my welfare? Life won't come around, it ain't coming round. We gotta take control of lives we're leading, reach our potential and stop the bleeding. Told myself that I never die, oh, but I'm just not dying. All the good ones, they always die young. Till now I've been lying. I'm just not dying. I'm tired of start trying. All the good ones, they always die young. But I'm only surviving. But I Yeah, yeah, yeah! De la formation Sprinter. C'est vraiment le titre de la pièce, hein? Yeah, yeah! Extrait de Melee. Si vous avez aimé ça, ça vient de Montréal, ce groupe-là. Et si vous ne l'avez jamais vu, ben ça vaut la peine d'aller le voir en show, car ils sont vraiment très bons. Trois autres pièces avant ça, on avait eu Big Din de Kid Table avec Noise Complain. Pour les fatigants qui font tout le temps des pointes de bruit. Hey, la musique est trop forte, ouais, mais tu marches comme ça à pas d'allure et tu me déranges. Tu dois mettre de la musique forte, moi. Bon, yeah, c'est à ça que ça sert, mettre de la musique. Pas entendre le voisin fatigant. Bon, c'est simple quand même. Ensuite, on a eu The Planet Smashers avec Never Die Hold. Extrait de leur plus récent album. Sorti il y a vraiment pas longtemps. Portant le nom de Mixed Messages sur Stomp Record. La seule chose qui m'a déçu au sujet de cet album-là, c'est que lorsque j'ai fait l'entrevue, bien, il y a eu un méchant bug assez fou, puis j'ai jamais pu enregistrer cette émission-là. C'est ma déception. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que je me retape une entrevue avec Matt, parce que... Je sais pas, là, j'ai fait une entrevue à tous les albums des Planet Smashers et puis celle-là, on peut même, j'ai même pas pu la mettre disponible en rediffusion. Fait qu'à moins que vous soyez capable de pogner un vaisseau là, puis d'aller la pogner à l'entour de la Terre, ça peut pas être là que les ondes sont rendues. Là. Ouais, elle est comme dure à récupérer cette émission-là. Ouais, peut-être un jour, si jamais des extraterrestres l'entendent, ben, ils l'auront entendu. Ouais. Bon, j'arrête de délirer. Et après les Planet Smashers, on a eu Up City Stompers avec Johnny Day Rape, extrait de l'album Dirty Jersey. Et finalement, ben c'est vrai, je vous l'ai dit, on avait eu Sprinter avec Yeah Yeah, puis je vous le redis encore. Bon, là, on s'en va en musique avec quelque chose. Mais avant d'aller au quelque chose, je vous avais dit que au mois d'août, il va y avoir un autre festival dans le coin de Drummond. C'est-à-dire le Grind Your Mind Open Air 6. Avec, entre autres, en très grande partie, The Vibrators. Oh yeah! Si vous avez jamais vu The Vibrators, parce que ça fait quand même depuis la fin des années 70 qu'ils se donnent à fond, ces vieux punk rockers-là, ils valent vraiment la peine d'être vus. Là. C'est vraiment trop bon, un show des Vibrators. Ça brasse pas musicalement, mais je sais pas pourquoi, dans le trash, ça brasse. Et c'est toujours la fin de les voir. Les Rectum également seront là. Dans un festival, les Rectum, je peux vous dire que ça déménage. Autre groupe qui m'a surpris, qui ont l'air de faire un retour, Alien Scab. Hey, sortez vos beer bongs, les boys. C'est le temps d'aller trasher. Hein. Je pense que Alien Scab, je sais pas s'ils vont ramener leur bon vieux concept de celui qui trash le plus, faire un beer bong. Quoi qu'on... C'est sûr, on n'a plus les fois qu'on avait dans le temps, là, mais quand même, ça, c'était rap. Hein. Celui qui trashait le plus pendant une des tunes d'Alien Scab, là, c'était pas à toutes leurs tunes quand même, mais pas mal à chaque 3-4 tunes, il faisait faire un beer bong à celui qui avait trashé le plus. Je peux vous dire que des fois, on sortait des shows d'Alien Scab vraiment sous. Ouais. Chance que dans ce temps-là, on n'avait pas de voiture puis qu'on était en vélo ou à pied parce que... Ouais... Ça aurait vraiment pas été à conseiller de conduire. Bon, et ça va avoir lieu, le Grind Your Mind Open Air 6. Là. Ça va avoir lieu au mois d'août. Mais, voyons, où sont les dates? Ah, OK. Plus exactement, le 15 août et le 16 août. Et ça va commencer, là, ben, dans le fond, c'est le 15 et le 16. Là. Mais admettons, vous arrivez sur place le 15, là, ça commence à 18h30. Et pour ceux qui savent pas c'est où, là, pour cette sixième édition-là du Grind Your Mind Open Air, eh bien, c'est au Grind Your Mind Land, qui est au 2053 9e rang de Simpson, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, sortie 191 autoroute 20. Bien sûr, c'est au Québec. Donc si vous êtes en Europe, vous n'aurez pas le choix, vous allez vous devoir prendre l'avion. Mais je peux vous dire que, tu sais, tant qu'à venir ici, au moins vous allez passer des belles vacances. Bon, OK. Ce qui m'amène à vous dire qu'au cours du prochain bloc, vous aurez tout d'abord Parabellum qui était en spectacle hier à Québec. Puis, je pense qu'ils font partie d'un certain festival là, qui a lieu en ce moment portant le nom de Rockfest. Ouais, je pense que oui. Et puis après ça, vous aurez The Maroons avec Take No Prisoner, extrait de l'album portant le même nom, ainsi que Screeching Weasel et la pièce What We Hate, pièce qui est extraite d'un de leurs très grands chefs-d'œuvre portant le nom de My Brain Hurts, faite au début des années 90 sur Lookout Records. Et ce qui m'amène à vous dire aussi que Screeching Weasel feront partie de l'édition 2014 du festival en vol et macadam de Québec. Fait que ça va être quelque chose de pas pire avant au mois de septembre, ça. Juste Screeching Weasel, anyway, ça fait partie des groupes que j'ai malheureusement pas encore eu le temps de voir. Puis c'est vraiment un groupe qui est sur ma liste à voir, ça. Parce que Screeching, c'est une légende du punk rock. Donc, allons-y sans plus tarder avec Parabellum et Lilo d'Amsterdam. Ouais, ça fait dur Amsterdam dans cette chanson-là. Des grosses bombes Ouais. Bon, quoi de mieux que de la musique en background lorsqu'on a subitement un chat dans la gorge? Bon, alors, il y a de cela quelques secondes, on a eu un bloc de publicité, puis quelques minutes avant, on avait eu de la musique. Et ce bloc-là a été composé de Parabellum avec Hilo d'Amsterdam, The Mahones avec Techno Prisoners, ainsi que Screeching Weasel avec What We Hate. Maintenant, nous continuons avec NoFX et une de leurs chansons très intelligentes suggérant comment arrêter la guerre sur Terre, surtout dans les coins où il y a des terroristes qui se font sauter avec des bombes, c'est de leur envoyer 72 Hookers. Yes! Très bonne solution. Ouais. Écoutez les paroles attentivement si vous ne l'avez jamais fait, là. Sérieusement, c'est tout songé, cette affaire-là. Et puis après ça, nous aurons de Matador avec Bush Party Handjob. Question de rester dans le même contexte de vocabulaire. Et puis après ça, ben là, on va rester musicalement dans le même genre, mais on va changer un peu de vocabulaire. Avec The Peacock et la pièce Describe Your Sound. Et nous terminerons ça avec Frantic Flintstone et la pièce Stellar. Alors, nous y allons, sans plus tarder, avec NoFX et leur chanson qui réglera sûrement tous les problèmes de conflit sur Terre si jamais les gouvernements qu'on a décident d'appliquer cette solution-là. Hate their lives, and desperate people learn to despise the suicidals. Don't want a coup, they don't want to blow up, they just want their 72. Have world peace. How many million men have been killed in foreign wars? We need to reinstate the draft, enlist a million whores. Start with sororities, then all the spring breaks. Ship the girls gone wild to Afghanistan, they'll gladly blow the shakes. Holy wars aren't holy, it's not the military complex. Terrorists are 16-year-old kids who are promised jihad sex. Maybe if they could see a woman's face, they might not get onto that plane with a bomb in their suitcase. 72 virgins can never stop a war, but 100,000 hookers can beat the Marine Corps. In stopping violence, fighting will cease. Fighting will when cease. Everyone is getting blowjobs, that's when we'll finally have world peace. pepper, sweet pepper, ain't you heard? All about a hand job, that's a word. Well, she's drunk as cunt, she's ready to go. Yeah, she wanna give a hand job way down low. She gonna give me a goddamn. She Dead in my cellar, he was bruised and battered, but I loved her, so it didn't matter. I fell in love with Stella. I found her dead in my cellar. He was bruised and battered, but I loved her, so it didn't matter. I fell in love with Stella in the cellar. Got there, it did not matter. But what was she doing with no legs? I found him later in the bed. I fell in love, love, love with Stella. I found her dead, dead, dead in the cellar. I fell in love, love, love with Stella. I found her dead. It did not matter, but what was she doing in the wakes? I found him later, under my bed. I fell in love, love, love with Stella. I found her dead, dead, dead in the cellar. I fell in love, love, love with Stella. I found her dead. Wait, my legs! Stella, I found her dead, dead, dead in the cellar. I fell in love, love, love with Stella. I found her dead. Ah! I fell in love, love, love with Stella. I found her dead, dead, dead in the cellar. I fell in love, love, love with Stella. I found her dead. Yeah, Frantic Flintstone. Avec la chanson Stella. Présentement en background, on entend bien sûr encore du Frantic Flintstone avec la chanson Please Give Me Ta Drugs. Je pense que c'est une chanson qui parle de drogue. Sans force. Et son recul de 3 pièces avant ça, on avait une OFX avec 72 Hookers. Qui a été suivi de Matadors avec Bush Party Handjob. Puis, par la suite, on a eu The Peacocks avec Describe Your Sound. Extrait d'un de leurs vieux albums portant le nom de Handjob. Et maintenant, il est rendu l'heure de se quitter, de se dire au revoir et à la semaine prochaine, bande de pouilleux. Et sur ce, on s'acquitte avec Berrurier Noir et la pièce En Pensant, extrait de l'album Même Pas Mort, qui avait été l'album qui avait précédé leur retour avec plusieurs vieux trucs inédits. Mais je me suis toujours demandé pourquoi ça avait été inédit à l'époque, car c'est vraiment des bonnes versions de plusieurs de leurs anciennes pièces. Et la chanson en passant, qui n'avait pas été sur aucun de leurs albums, elle est vraiment bonne. Puis après ça, eh bien, vous aurez les Esclaves Salariés. Wow! Les Esclaves Salariés avec Novembre, ainsi que Jeunesse Apatride et la pièce Le Temps Passe. Et c'est vrai, le temps passe. Bye bye! À la semaine prochaine! Et d'ici là, comme d'habitude, vive le rock libre! Et la bière pour nous maintenir en vie et de bonne humeur. I wanna trip again. A nice big reefer. Shallow whiskey too. Just might have well cha-cha checkers. Stop thinking about you. Control. Control. Control. Control. Je vous demande de renoncer. Et temple fou l'éducation qu'elles nous ont donnée et pour les valeurs qu'elles nous ont transmises. Merci aussi à nos amoureuses d'hier et d'aujourd'hui. Une partie de vous, faites partie de nous. Merci aux nombreux camarades présents avec des lustres dans nos vies. Les années nous éloignent par moments, mais il ne faut qu'une occasion nous voilà partis comme jadis. Vous garderez toujours une place en première classe dans nos cœurs. Respect à Max et Colin la patrie! Salut à tous les militants de gauche. Vous avez su nous instruire et forger notre conscience sociale. Salut aux camarades du RACH avec qui nous avons fait vivre des rêves perdus et gagner quelques bagarres épiques. Nous gardons un souvenir impérissable de ces années passées au sein de la bande. Petite pensée ici pour le comité des sans-emploi avec qui nous avons lutté pour un monde meilleur. Sharp, Nipak, Sisterhood, COBP, Sorcière, Fire and Fault. Oi! Un gros merci aux supporters qui sont là depuis le début de notre épopée et qui, malgré nos prestations parfois douteuses, continuent de venir au concert. Le bonheur que nous avons eu lors de ces 15 dernières années est qu'en particulier à votre présence, votre fidélité et votre âge. Thanks aux Lermag, aux Chaos, aux Catacombes, pour les peintres et les histoires. Finalement, merci aux groupes qui nous ont inspirés. Plein de bons moments à partager la scène et siroter des bières. Merci en particulier aux Crawlers, à la Gâchette, aux Esclaves Salariés, à Union Maid, à la Brigada, à Cartouche, à Fred Alvi. Merci aussi à Old The Grudge, à Mayday, à Shotcallers, à Action Sédition, à Soul and Spirit, à Overpower, à Scab Coma, puis à Bouddha Bulldozer. Solidairement, Jeunesse à Paris!